Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 31 octobre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord. En parlant qu'hier, il y avait un match de hockey, les Panthers de la Floride et l'Avalanche Colorado jouaient à Colorado. Et ça a été une défaite de l'Avalanche 4-3 contre les Panthers de la Floride. Samuel Girard de Roberval a amassé une passe dans la partie. Il a joué 24 minutes 25 et a terminé le match à plus 3. Maintenant, du côté de la Ligue Simplette, il y avait plusieurs matchs au cours du week-end. D'abord, au niveau junior A, victoire des Éperviers Normandins 7-5 sur les Sabres de Roberval. Et également, victoire des Marquis de Jonquière 4-0 contre les Éperviers. Ça se passait dimanche. Maintenant, du côté du Pee-Wee A, il y avait des matchs aussi qui nous intéressaient. Victoire des Sabres de Roberval 5-2 sur les Janois d'Alma. Et aussi, victoire, verdicule de 3-3 plutôt entre les Genois d'Alma et les Bulldogs de Saint-Félicien. Et le lendemain, les Bulldogs ont perdu 7-1 contre le Royal de Matabetchouan. Du côté du Piwia maintenant, il y avait également des matchs aussi. Et victoire, plutôt verdicule de 3-3 entre les Genois d'Alma et les Bulldogs de Saint-Félicien. Également, les Sabres de Roberval et les Genois d'Alma se sont livrés un verdict nul de 1-1. Du côté maintenant du Bantam A, il y avait deux matchs. Les Bulldogs Saint-Félicien ont gagné 7-1 contre les Aiglons d'Alma. Et aussi les Éperviers de Lac-Saint-Jean Nord ont perdu 5-3 contre le Bleu et Or. Du côté maintenant du Bantam B, il y avait des matchs aussi et un gain pour la formation des Castors de Dolbeau-Lac-Saint-Jean Nord 6-1 sur les Marquis de Jonquière. Victoire également des Cougars de Saguenay 9-2 sur le Maxi de Chibougamau. Donc, c'est ce qui met fin évidemment aux résultats qu'on a du côté des différentes ligues maison. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanadoSport.com. Hier, plusieurs intervenants. On a parlé avec Pascal Jobin de la NBA. On a également parlé avec Alexis Bradette des Cougars de Chicoutimi. On s'est également entretenu avec Joe Hardy où on parle évidemment du Canadien. Et Jason Lajeunesse vient nous parler des Sabres de Roberval. Sport local et régional, attendez sur sport.com à son écran.